L'opérette de la tsarine par Léopold von Sacher-Masoch. Dès que la nuit fut venue et que les étoiles scintillèrent au ciel, pareilles à une broderie d'or, Blondine arriva devant la petite porte dissimulée derrière un peuplier. Son cœur battait fort, son émotion était profonde. Il comprenait qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire pour lui, quelque chose comme un roman ou un conte de fées. La porte s'ouvrit doucement, et une femme voilée, vêtue de noir, vint recevoir Blondine. « Ah, c'est vous !» demanda-t-elle aussitôt. « Suivez-moi, vous êtes attendu avec impatience. » Elle le prit par la main et le conduisit dans le parc à un pavillon chinois, dont les fenêtres bariolées laissaient tamiser comme une lueur magique. Après l'avoir introduit dans une petite antichambre, elle frappa trois coups à la porte d'une pièce voisine et fit entrer le jeune homme. Blondine pénétra dans une chambre meublée avec un luxe asiatique et se trouva en présence d'une femme d'une beauté merveilleuse. Elle portait une robe de soie verte et la kazabaya garnie d'hermine impériale. Son opulente chevelure était ornée d'un diadème éclatant. Elle était assise sur un divan turc et fit signe au jeune homme d'avancer. « Me reconnais-tu ? » lui demanda-t-elle, après qu'elle se fût un instant divertie de son trouble et de son embarras. Il la reconnaissait maintenant, à sa voix douce, à ses yeux admirables. « Qui es-tu donc ? Pourquoi cette toilette princière ?» demanda Blondine. « Que signifie ce mystère ? Je veux te rendre heureux. Qui es-tu donc ? Tu as promis de me le dire ce soir. Je suis la tsarine. » Blondine la regarda un instant sans mot dire et tomba à ses genoux. « Non pas, mon ami, » fit Catherine de sa voix enchanteresse. « Lève-toi, donne-moi la main. Prends place à côté de moi, comme là-bas, parmi les bouleaux. Parle-moi de toi, et quand tu auras satisfait ma curiosité, alors nous jouerons et chanterons tous les deux. » Elle fit asseoir près d'elle, sur le divan, le jeune artiste encore tout confus, qui ne se remit de son trouble que lorsqu'elle lui prit les mains dans les siennes. Blondine lui fit alors le récit de sa vie. Bientôt il fut à l'aise avec la souveraine qui, de son côté, se montrait ravie de sa naïveté. Quelques instants après, ils se mirent tous deux à chanter et à jouer, comme lorsqu'ils étaient assis sur l'herbe. La tsarine s'émerveillait de plus en plus des aptitudes prodigieuses du jeune homme. Lorsqu'il la quitta, elle promit d'aller lui faire visite. En effet, elle tint parole et l'après-midi du jour suivant, elle arriva au presbytère dans le costume de paysanne avec le charaf en bleu et les bottes de maroquin rouge. Elle s'attabla avec Blondine devant un pot de lait et du pain noir, puis commença à parler de son opérette au jeune homme qui maintenant brûlait du désir de la servir. Elle sortit le texte, lui en lut quelques couplets et lui fredonna les mélodies dans l'ordre où elles lui venaient à l'esprit. Blondine l'accompagna sur la vieille épinette de son père, puis, prenant du papier et de l'encre, il se mit à transcrire les mélodies que parfois elle rectifiait. Ils se revirent souvent. Tantôt il allait le soir chez elle dans le pavillon chinois, tantôt la tsarine se rendait au presbytère, toujours vêtue en paysanne. Enfin, la dernière note était écrite, les partitions copiées et distribuées aux artistes amateurs, parmi lesquels se faisaient remarquer après la tsarine les comtesses Afraxie, Slotikov, le prince Volkorevski, le comte Ostermann et M. de Kotzebue. Blondine dirigeait l'orchestre et les répétitions. La représentation eut lieu par un beau soir de septembre au magnifique théâtre de Sarkozy et Sello. Le parc ressemblait à une féerie. Des milliers de lanternes de couleurs étaient placées dans les arbres. Le public se composait de la cour, de la haute aristocratie, des hauts dignitaires de l'Empire, des officiers de la garde et des diplomates étrangers. La scène représentait une place devant une maison de paysans russes. Le fond et les coulisses étaient ornés de verdure. Sur le côté s'élevait la maison rustique bel et bien bâtie en bois et couverte de chaume. Acteurs et actrices, tous furent à la hauteur de leur rôle. Mais la tsarine remporta un véritable succès dans celui qu'elle avait choisi. Il y déploya toute sa grâce, toute son ardeur et à la fois tout son talent. Le spectacle terminé, les acteurs restèrent dans leurs costumes. Catherine II fit venir Blondine, le présenta à ce brillant cercle de personnages et vanta le talent du jeune artiste. Comme par enchantement, spectateurs et spectatrices revêtirent le costume de paysans et de paysannes russes. Un orchestre s'établit sur une grande table de bois et la fête finit par un grand bal champêtre comme il s'en donnait alors à Versailles. Mais ici, ni berger ni bergère, dans le genre de Daphnis et de Chloé, ne dansaient le menuet. C'étaient des paysans russes qui, au son de la balalaïka, des cymbales et des violons, conduisaient la vieille danse nationale russe. Le lendemain soir, Blodine se rendit dans le pavillon chinois où la tsarine l'attendait. Il n'arriva pas en vainqueur. Il était triste et pâle. « Que vez-vous ? » demanda Catherine. « Vous paraissez mécontent. » Blodine secoua la tête. « Je comprends, » continua la souveraine. « J'ai trop tardé à vous récompenser de vos services. Je voulais avant tout vous consulter. Parlez franchement, je me rendrai à tous vos désirs. Non, Majesté, il n'est pas en votre pouvoir de me satisfaire, » répondit Blodine avec résignation. « Peut-être, » fit la tsarine en souriant. « Non, non, je suis née sous une trop mauvaise étoile. Ce qui devait m'apporter la plus pure de toutes les félicités s'est aussitôt changé en malédiction. Ah, si seulement je ne vous avais jamais vue. Pourtant ne suis-je pas pleine de prévenance pour vous et d'admiration pour votre talent. Qu'exigez-vous encore ? C'est précisément pour cela, » murmura Blodine. « Vous avez été trop généreuse, Majesté. Que ne m'avez-vous envoyée en Sibérie ? Je pourrais le faire si tel était mon bon plaisir, » fit la tsarine avec un semblant d'ironie. « Auriez-vous si grande envie d'aller chasser la zibeline ? Vous plaisantez, Majesté. Ah, mon cœur se serre, » ajouta Blodine, dont les yeux révélaient une profonde passion. « Vous ne devinez donc pas ce que je ressens ? Vous m'aimez ? Oui, je t'aime !» s'écria Blodine en se jetant aux genoux de la tsarine. Il couvrit ses mains et ses pieds de baisers ardents, et dans l'emportement de sa passion, oubliant qui elle était, il enlaça la taille de la belle souveraine et pressa ses lèvres sur les siennes. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. Il ouvrit la fenêtre et sauta dans le parc. En vain, la tsarine le rappela. Il n'entendit pas ou ne voulut pas entendre. Le lendemain matin, elle retourna dans les steppes, toujours en paysanne. Elle arriva à peine qu'il lui semblait entendre, dans le lointain, la voix de Blodine l'accompagnant sur sa bandourka. Elle s'arrêta un instant, la voix semblait se perdre dans la profondeur de la forêt. Elle se rendit vivement au presbytère où elle apprit que Blodine s'en était allé par le monde avec sa bandourka sur le dos. La tsarine s'en retourna lentement à Sarkoïe-Selo, sa belle tête penchée, ses beaux yeux baignés de larmes. Sur le champ, elle donna l'ordre de rechercher Blodine, mais ce fut en vain. Elle envoya des émissaires dans toutes les parties du territoire. Tous furent mis en campagne depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. De la Vistule à l'Oural, on ne put recueillir aucune nouvelle du fugitif. Il avait disparu pour toujours.